Après le dîner, une partie des convives passa au fumoir. Monsieur de Lerne les suivait quand sa mère l'arrêta. « Jacques, lui dit-elle, joue donc ta dernière valse à madame de Morescan avant que tout le monde n'arrive. Elle ne la connaît pas. Je suis sûre qu'elle lui plaira beaucoup. » « Je vous en prie, monsieur, dit Jeanne. » Monsieur de Lerne salua et s'assit devant le piano. Il joua sa valse nouvelle, puis quelques autres morceaux que Jeanne lui demanda. Peu à peu, comme il arrive en pareil cas, la plupart des assistants, après avoir prêté pendant quelques minutes une attention courtoise à la musique, reprirent leur conversation, chacun dans leur coin. Madame de Morescan demeura seule, en dilettant obstinée, auprès du piano et de Jacques, à l'une des extrémités du vaste salon. Comme le jeune homme venait de terminer une ritournelle brillante et promenait vaguement ses doigts sur le clavier, madame de Morescan jugea que le moment psychologique était arrivé. « Quel talent vous avez, dit-elle, et vous peignez très bien avec cela, dit-on. « Je barbouille un peu. » « Comme il y a des choses drôles en ce monde, des choses inexplicables, » murmura la jeune femme comme se parlant à elle-même. « C'est moi, madame, qui vous suggère cette réflexion ?»« Oui, vous avez tous les goûts qui peuvent attacher un homme à son intérieur, et vous vivez au dehors, au cercle. »« Mon Dieu, voilà, » dit monsieur de Lerne. « Monsieur Jacques, reprit Jeanne, dont l'éventail palpita plus rapidement. « Madame, vous allez me trouver bien indiscrète. »« Je suis si indulgent. »« Votre mère désire beaucoup vous marier. »« Je n'en doute pas, madame. »« Et vous ne voulez pas ?»« Non, madame, pas du tout. »« Vous avez des raisons pour cela ?»« Une seule. » C'est que je ne connais pas en ce monde une femme qui soit digne de moi. Ah, mon Dieu! C'est-à-dire, pardon, reprit Jacques avec la même gravité. Il y a vous, mais vous n'êtes pas libre. Et d'ailleurs... D'ailleurs? Demanda la jeune femme en tendant l'arc de ses sourcils. D'ailleurs, vous-même, vous êtes sur le point de mal tourner. « Mais, monsieur Jacques, veuillez m'excuser, c'est mon opinion. »« Parce que, dit Jeanne, parce que vous choisissez mal vos amis. »« Cela veut dire, je suppose, que j'ai tort de ne pas choisir monsieur Jacques de Lerne ?»« Non, en vérité, non. Et cependant, tel que vous me voyez, j'étais né pour comprendre et même pour partager les amours des anges. » Ah, franchement, dit en riant madame de Morescan, si j'en crois le bruit public, vous en êtes loin des amours des anges. Que voulez-vous? On m'a découragé, dit monsieur de Lerne, riant à son tour.